Chapitre 13. Marthe Menzel et sa fille n'avaient eu d'autre pensée que de fuir vite et loin. Le but du voyage leur importait peu. En voyant partir la diligence sur laquelle elles avaient compté pour s'éloigner promptement, elles avaient éprouvé un grand découragement. Rien n'est mieux fait pour éteindre les belles flambées d'héroïsme que ces aigres vents coulis de petites déceptions matérielles. On part en guerre, armé de toutes pièces, faisant flamboyer son épée. Rien n'est trop beau, rien n'est assez difficile. On a immolé son âme au devoir. Ivre de l'amer breuvage, on se figure avoir trouvé au sacrifice un goût délicieux, et l'on s'en bat la tête haute, bravant les destins contraires. Mais au bout du jardin, quand on veut en sortir, la serrure est mêlée. Il faut appeler un serrurier, ce qui prend du temps et laisse l'enthousiasme se refroidir. On monte à cheval, le cheval boite. On le presse, il perd un fer. On s'arrête chez le maréchal Ferrand. Celui-ci blesse la bête en voulant la ferrer. Alors, chargé de son armure qui paraît lourde, on s'en revient sous la chaleur du jour, traînant le pied, essoufflé du poids, maussade et de l'aventure. Voilà ce que pensait Éclat en regardant fuir la diligence, où le conducteur avait absolument refusé de les prendre toutes les deux, sous le prétexte spécieux d'un règlement toujours transgressé par lequel il est interdit de faire monter dans une voiture plus de voyageurs qu'il n'y a de place. Mais c'est que Marthe n'avait pas pensé à lui offrir un rouble, ce qui eût levé la difficulté. Alors le paysan, un de ceux qui avaient amené des veaux, offrit aux deux dames de les transporter à quelque distance de là jusqu'à un gros village situé sur la route. « Vous y seriez aussi bien qu'ici pour achever la journée et passer la nuit, » dit l'homme. « Nous avons une chambre très propre chez ma sœur qui tient auberge, et demain vous pourriez continuer votre voyage. » Marthe avait accepté. Tout valait mieux que de rester dans cette ville où on les connaissait pour les avoir vus quelquefois et où Xavier pouvait avoir l'idée de venir les chercher. Les deux femmes s'assirent donc sur les bottes de foin qui jonchaient la télègue. La petite malle qu'elles avaient emportée dans leur hâte leur servit de dossier, et elles partirent pour un pays inconnu au trot rapide d'un jeune cheval encore peu accoutumé au harnais et dont les bons capricieux les faisaient frémir. Le village leur apparut bientôt, dévalant d'un coteau qui dominait une petite rivière. Il comptait autant de jardins que de maisons. Une oseraie épaisse le bornait au nord. Un petit bois de bouleau l'ombrageait au midi. L'auberge était neuve et sentait le sapin fraîchement abattu. Dans la chambre où le thé fut servi aux voyageuses, de grosses larmes de résine perlaient aux solives du plafond. Le lichen, d'un gris verdâtre, qui bourrait l'intervalle des troncs à peine équarris dont se composaient les murailles, gardait encore l'âpre senteur de la forêt, et par la petite fenêtre, on voyait le soleil jouer gaiement sur la rivière, basse en cette saison, et bizarrement marbrée de bancs de sable doré. « Maman, dit Éclat, restons un peu ici, veux-tu? Quelques jours seulement, il doit faire si chaud dans les villes. Et puis ici, ajouta-t-elle à voix basse, c'est moins loin. » Ses yeux s'emplirent de larmes. Elle ensevelit son visage dans son petit mouchoir et pleura jusqu'à ce que la source des pleurs fût tarie. Celui qui souffre est à plaindre, mais bien plus encore celui qui voit souffrir. Lorsqu'il ne peut alléger une douleur dont il est en partie, et malgré lui, la cause. La conscience de Marthe l'approuvait sans réserve, et son cœur saignait à la vue du chagrin toujours nouveau, toujours vivant, du jeune cœur de Tekla. Chez quelques-uns, l'amour est une floraison spontanée, comme celle de ces grandes belles fleurs d'hibiscus qui se déplient dès le matin, sont dans toute leur splendeur à midi, et tombent fanées au coucher du soleil, ayant donné dans une courte journée tout ce qu'elles avaient en elles de couleurs éclatantes et de vie intense. Chez d'autres, la passion s'infiltre peu à peu, comme ces liquides colorants dans lesquels les joailliers trempent le cristal de roche, pour lui donner une belle nuance carminée. C'est par chaque fente, chaque filon de la pierre, que s'insinue la riche couleur du sang. Elle atteint jusqu'au cœur du cristal vierge, et rien ne peut plus l'en retirer. À peine les longues années parviennent-elles à la pâlir. Pour ces âmes-là, il n'y a de remède ni d'oubli. Tant qu'elles ne sont pas saturées d'amour et de douleur, tant qu'il reste un coin que la passion n'est pas envahie, elles absorbent encore et toujours le fluide qui les pénètre et les transfigure. Tekla était de celles que l'amour a trempées dans sa rouge liqueur, et elle lui appartenait pour la vie. Les jours s'écoulèrent sans que la jeune fille parlât de quitter la petite chambre parfumée de sapin. Les goûts simples des deux femmes leur faisaient accepter sans difficulté la nourriture élémentaire que leur préparait l'hôtesse, et cette vie convenait à des cœurs blessés que le contact de la civilisation eût trop brusquement ramené à la sensation de leur souffrance. Marthe ne disait pas grand-chose. En revanche, elle embrassait souvent Thécla, qui posait alors son joli visage amaigri sur l'épaule de sa mère et pleurait silencieusement dans ce refuge, sans une plainte, sans un mot de révolte. Elle avait accepté la destinée et ne maudissait rien ni personne. Seulement, les yeux fixés sur l'eau courante, pendant les après-midi qu'elle passait dans le roseraie, elle se disait qu'elle aimerait bien mourir, et elle espérait que ce ne serait pas trop long. La rivière était celle qui arrosait le parc de Bella. Au flot insensible, elle confiait ses pensées et ses chagrins. Peut-être Xavier en devinerait-il quelque chose en regardant un jour l'eau transparente et rapide. Marthe se reprochait son imprévoyance avec une amertume qui déchaînait en elle de muettes et terribles colères contre le sort. Elle avait accepté de souffrir. Mais pourquoi sa fille? Qu'avait-elle fait, la pauvre et candide enfant? Par quel crime avait-elle pu mériter qu'une pareille affliction brisât sa jeunesse? Était-ce donc vrai que les fautes des parents retombent sur les enfants? Mais dans ce cas, pourquoi le vieux comte Stanitsky était-il mort plein de jours et sans postérité? Serait-ce alors que Thécla, innocente victime, payait pour les deux êtres qui lui avaient donné la vie? À cette pensée, Marthe enfonçait ses ongles dans la paume de sa main avec un furieux désir d'anéantir le monde entier, plein de cruautés inutiles et d'injustes persécutions. Un mois s'était écoulé, et les feuilles, si tardives à paraître quand vient le printemps, jaunissaient déjà sur les tilleuls d'un vieux jardin abandonné où les deux femmes allaient parfois s'asseoir. Les jours s'étaient abrégés. L'automne, si précoce, viendrait bientôt. Le séjour dans l'humble maisonnette ne leur serait plus possible. En vain, Thécla suppliait sa mère de consentir à passer l'hiver en ce lieu. Marthe n'y voulait point consentir. Elle se reprochait, plus que tout le reste peut-être, de n'avoir pas eu le courage d'entraîner sa fille plus loin de la rivière messagère, de la silhouette dangereuse du paysage où se dessinait une vague ressemblance avec des bouleaux de Bella, de toute cette langueur automnale où il semblait que Thécla dût se fondre et s'évanouir avec les légers brouillards du matin, avec les dernières feuilles qu'emporterait la bise d'octobre. « Nous partirons demain, » dit un jour Marthe d'un air ferme. Thécla ne fit point d'objection. C'est à force de supplication qu'elle avait obtenue de gagner encore quelques jours. Son temps était venu, elle se résignait à perdre sa dernière joie. Celle des larmes, que rien ne trouble, dans un lieu que la mélancolie vous a rendu cher. « Je vais à la ville, » reprit Marthe, afin de retenir nos places dans la diligence. « Tu peux bien rester seule ici cet après-midi ?»« Oh oui, » répondit la jeune fille. Elle aurait donc la liberté de revoir seule tous les endroits où elle avait pleuré. C'était une bonne fortune inattendue. Elle pourrait se livrer sans contrainte à la douceur mortelle des larmes qu'il n'est point besoin de tarir. Marthe fut surprise de l'expression presque joyeuse du regard de la jeune fille. « Eh bien, dit-elle, je partirai tantôt avec le paysan et son petit cheval, afin d'être de retour avant le coucher du soleil. » Ce qu'elle fit en effet.